Voici, en 1h10 environ, un aperçu de l'immense histoire naturelle de Pline l'Ancien, publiée en 77 de notre ère par son neveu et fils adoptif, Pline le Jeune. Choix de texte, résumé et enregistrement de Jean-Paul Lexis en avril 2016, d'après la traduction d'Émile Littré, publiée au milieu du XIXe siècle. L'appellation Pline l'Ancien peut être trompeuse, car ce Pline-là mourut à 56 ans, victime de sa curiosité scientifique pour avoir voulu voir de trop près l'éruption du Vésuve en 79 de notre ère. Cette appellation Pline l'Ancien permet de le distinguer de son neveu et fils adoptif Pline le Jeune, passé lui aussi à la postérité. Dans le cours de mes enregistrements, si j'ai besoin de citer Pline l'Ancien, je dirai simplement Pline. Pline a dédié son ouvrage à Titus, prince héritier, fils de l'empereur régnant alors, sur Rome, Vespasien.